gamin dans un bac à sable après un coup de pelle dans les dents. On est devenus inséparables. On a vécu nos années folles, de coups de bol en coups durs, ce qu'on tirait dans les bagnoles, ce qu'on a pris dans la figure. Jusqu'au bout. Aujourd'hui on se voit moins souvent, mais de coups de blues en coups de fil, on va en boire au bon vieux temps. Et à celui qui défile. C'est vrai qu'on a pris un coup de vieux, on est loin de nos coups d'éclat, mais on remet ça quand tu veux. Je serai toujours là pour toi. On a fait les 400 coups. Toi et moi, est-ce qu'on restera amis jusqu'au bout? Pas le coup d'en faire un drame, mais je me tire avec ta femme. Allô ? On a fait les 400 coups, toi et moi, est-ce qu'on restera amis? On a fait les 400 coups. Est-ce qu'on restera amis jusqu'au bout?